Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, je suis accompagné par mon collègue et ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc. Hey, tu dis ça de façon tellement solennelle, là. Hein, hey. T'sais, écoute, ça a quasiment l'air sérieux. Je me force, franchement. Ouais, je sais. Ouais. Comment vas-tu Marc? Ça va très bien toi mon cher. Ben ça va pas pire pantoute. Bon, pas pire. Toute beauté dans cette belle semaine partagée entre le froid et la chaleur. Oui, c'est ça, c'est l'été, l'automne, le printemps, dans la même semaine et des fois même dans la même journée. On va juste espérer que l'hiver se garde un petit gêne parce que là, ouais. Pelleté à 40 degrés, fait chaud un peu. Ce matin sur Facebook, je voyais que c'est en Abitibi, je pense qu'ils ont eu de la neige. Oui, oui. Comment cette année un peu eux autres, je pense? Écoute, moi, je t'avoue que je penserais solidement à changer de place. Ouais. S'il fallait qu'il y ait de la neige le matin, là. Ouais. La Floride ou la Californie sonne très, très tentant à ce temps-là. Mais... Exactement. Mais bon, tu sais, on n'a pas d'ouragan, on n'a pas de tremblement de terre, ben souvent, rien de désastreux. Fait que c'est quoi de passer à travers un petit peu de température frette si ta maison se fait pas détruire aux 2 ans? T'sais, quand même. Je sais qu'on a eu beaucoup d'inondations, là. Ça, c'est vraiment plate pour les gens qui sont pris là-dedans. Et, tu sais, on leur envoie nos pensées, là, parce que c'est vraiment pas drôle de voir ce qui se passe dans certains coins du Québec, là. Mais c'est rare, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on a chaque année comme dans certains pays où c'est juste comme invivable, là, à un moment donné. C'est pas drôle. On compatit avec les gens qui sont aux prises avec ça, là. Je suis très heureux de ne pas avoir ce genre de problème-là, évidemment. Donc, Marc, on va revenir à nos moutons. On va parler voiture. Là, il va peut-être ou pas avoir une émission la semaine prochaine parce que toi, tu seras absent. Et moi, je suis en train de voir si je vais faire l'émission seul. On va en reparler pendant ce petit bloc-là. Dis à nos auditeurs l'espèce de voyage de malade que tu vas avoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu m'en as parlé un peu la semaine passée, là. Je suis un peu jaloux de ce que c'est, mais je suis vraiment pas jaloux de la manière que ça va se dérouler, par exemple, parce que c'est assez malade, là. Oui, effectivement. C'est, comment je pourrais dire, tu sais, cette année, c'est le 150e anniversaire du Canada, mm-hmm. Et ils ont décidé, chez Mercedes-Benz, de célébrer ça dignement, en organisant un programme qui s'appelle Cabri au Canada. Le lien avec le Haut Canada, qui est bien sûr là, l'hymne national, mm-hmm. Mais aussi avec le mot cabrio, le mot cabriolet. Donc, ça vous donne une idée qu'on part faire un voyage en cabriolet. Mais ce n'est pas un voyage, c'est un voyage de fou. C'est-à-dire que ça commence le 21 et ça se termine le 26 mai. On s'en va faire le tour littéralement des 10 provinces. On va aller dans chacune des capitales provinciales, plus la capitale nationale. Par la suite, il faut savoir que pour faire ça, on est dans un groupe de 8 véhicules différents, tous des cabriolets, bien entendu. Alors, on parle de la gamme des C, là, la C300, C43, C63 AMG. On parle de la SLC, bien entendu, et la version AMG. On parle de la SL cabriolet et de la Smart cabriolet aussi. OK. Alors, comme tu vois, c'est assez varié comme... D'ailleurs, c'est un peu particulier. En tout cas, je vais y revenir. Et pour faire ce voyage-là, en fait, c'est qu'on part dimanche. Moi, je m'en vais à Saint-John, à Terre-Neuve, où on passe la journée, où il y a une petite cérémonie d'ouverture en soirée pour dire que l'on est à Saint-John. Je t'avoue qu'on ne roule pas à Saint-John. On n'a pas le temps, puis c'était un peu compliqué du point de vue logistique, probablement. Le lendemain matin, à 4h30, on se retrouve dans le lobby de l'hôtel. L'idée, c'est qu'on prend un vol direction Halifax. De Halifax, on va descendre tranquillement vers Charlottetown, pour aboutir en soirée à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où on va passer la nuit. Là, c'est vraiment avec certains véhicules, notamment la classe C300. On prend l'avion, on s'en va ensuite à Ottawa, capitale nationale, où nous attendent des véhicules, et on va conduire jusqu'à Québec. Mm-hmm. Là, la particularité, évidemment, c'est qu'on va passer par Joliette, par Montréal, bon, et on va se rendre jusqu'à Québec, mais ils nous ont réservé les Smart pour cette portion-là. J'avoue que compte tenu de l'état des routes au Québec, ça va brasser. J'aurais aimé mieux un autre type de véhicule, ouais. Mais bon, c'est pas moi qui décide et c'est d'un point de vue logistique, évidemment, ça devait être plus facile. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Par la suite, rendu à Québec, on vole jusqu'à Toronto où on passe la nuit. Honnêtement, c'est juste pour dire qu'on met les pieds à Toronto. Puisque dès le lendemain, on reprend l'avion, on s'en va à Winnipeg, d'où on prend des voitures pour se rendre jusqu'à Regina, en Saskatchewan. On prend un autre avion, on s'en va à Calgary. On roule dans les campagnes jusqu'à Edmonton. De Edmonton, on vole jusqu'à Vancouver. Et de Vancouver, on va se rendre à Victoria, où se termine le périple. C'est un voyage un peu fou, j'en conviens. C'est un voyage qui est absolument incroyable parce que ça nous permet, d'une part, bien sûr, de visiter la totalité des provinces. Et j'avoue que là-dessus, le Manitoba et la Saskatchewan sont deux endroits où je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre les pieds, alors je suis très, très content. Évidemment, on nous a aussi prévu des détours par certaines des principales attractions canadiennes, je dirais, propres à chacune des provinces. Je donne l'exemple à Charlottetown. Ben, on se dirige vers un des phares qui est en place. Bon, on passe dans le Vieux-Québec. À Ottawa, on va bien sûr à la colline du Parlement. Quand on est dans les prairies, on va vers un vieux silo à grains qui fait partie des monuments historiques. Bref, on fait vraiment la tournée complète et on nous a prévu un parcours qui va nous permettre de faire ça. Évidemment, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook ainsi que sur mon blog marcbouchard.ca parce que je vais essayer, dans la mesure du possible et compte tenu de l'horaire, de mettre beaucoup d'informations, de photos et peut-être des petites vidéos live si je suis capable. La partie intéressante, c'est qu'il n'y a que 8 journalistes qui prennent part à ce périple-là. Donc, on est 4 voitures, on va se suivre, on va s'organiser comme ça. Ça devrait être une aventure assez incroyable. Ce n'est pas la première fois que Mercedes fait des aventures de fou. Ils sont allés, par exemple, dans le cercle polaire avec des Smart. Ils ont fait la même chose en allant prendre l'autoroute de glace avec les Sprinter. Mais vraiment, d'un océan à l'autre, de cette façon-là, à ma connaissance, c'est la première fois. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour l'organisation de cet événement-là, puisque imaginez-vous la logistique nécessaire pour aller d'un endroit à l'autre, pour s'assurer que les voitures sont au bon endroit, que les voitures sont prêtes à rouler. Bref, c'est vraiment un programme extrêmement détaillé, qui fait plusieurs pages d'ailleurs quand on me l'a envoyé. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur place et comment ça va se dérouler. Mais j'avoue que c'est une expérience à laquelle je prendrai beaucoup de plaisir sans aucun doute. Évidemment, je vais vous donner des détails aussi sur chacune des voitures quand je vais revenir. Il y en a là-dedans que j'ai déjà essayé. Les versions des C, entre autres, j'ai eu l'occasion de les essayer dans différents contextes. La Smart, celle qu'on a, ce sera la Smart à essence. Moi, j'ai eu l'occasion jusqu'à maintenant d'essayer la Smart cabriolet électrique seulement. Donc, je pourrais encore une fois donner quelques détails là-dessus. Donc, ça devrait fournir beaucoup d'informations sur les véhicules. Bien entendu, certains sont plus luxueux que d'autres. On verra donc ce que ça va donner comme principe et comment ça va se dérouler tout au long de la semaine. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment un horaire assez chargé qui va nous permettre, on l'espère en tout cas là, à la fois d'explorer le Canada et les différentes voitures de Mercedes-Benz. Ouais, c'est bien comme petit voyage, mais ça va être, tu sais, à partir à 4 h le matin, là, 4 h 30 le matin, puis finir à 9 h, 10 h le soir, là, ça va être intense. Évidemment, ce n'est pas tous les jours. Non, non, On non, non. estime qu'on fait à peu près 600 km par jour, ce qui est relativement correct. Mais c'est juste que c'est les arrêts, c'est tout. Et ça me fait bien rire parce que dans l'horaire qu'ils nous ont donné, ils nous ont donné ce que vous allez découvrir chacune des étapes, tu sais. Alors, par exemple, bon, évidemment, quand on est à Ottawa, la colline du Parlement, le marché, le Byward Market, là. Mais quand on arrive au Québec, on dit bien sûr le fleuve Saint-Laurent, le Vieux-Québec et à prendre une poutine au Québec. Alors, on arrête vraiment dans un restaurant à Joliette pour aller manger une poutine sur l'heure du dîner. Mais pourquoi à Joliette manger une poutine? La poutine n'est pas originalement de Drummondville? Ouais, mais probablement que c'est en fonction du tracé. T'sais, Ouais. on part d'Ottawa. On doit vraisemblablement essayer de contourner Montréal, probablement. Donc, on va probablement passer là, par les Laurentides et tout ça. C'est plus facile que de venir traverser Montréal et de passer par la rive sud. Ouais, j'imagine que oui. Alors, puis tu sais, ils nous ont tout. Le programme est absolument détaillé, là. On nous a dit, bien, il y a une opportunité de photo à telle place, il y a une opportunité de photo à telle chose. On s'en va faire un tour, par exemple, au Château Frontenac, parce que bon, c'est un classique. Alors, évidemment, il y a des journalistes de toutes les provinces ou à peu près. Ça risque d'être fort, fort intéressant. Mais toi, mon cher, pendant que je vais être parti, chanceux, tu vas aller t'amuser au Salon du véhicule électrique, la première édition. Ouais, mais je devrais être au salon de la voiture électrique. Il reste des détails à peaufiner un peu, là, à savoir si je vais y aller ou si je n'y serai pas. Je vais savoir probablement au courant de la journée, au début de la semaine prochaine. Donc, oui, s'il y a une émission la semaine prochaine, ce sera une émission 100% électrique. Donc, je suis supposé faire une émission spéciale avec Martin Archambault de l'AVEC. Vous connaissez Martin, il vient faire des chroniques sur les voitures électriques de temps en temps. Donc, on devrait faire une émission combinée, là. Ça va être la même émission qui va se retrouver majoritairement sur le site de l'AVEC et leur podcast et notre émission à nous aussi. Donc, ça devrait être pas mal la même émission. Mais il reste encore des petits détails à peaufiner, à savoir si je vais être là ou si je ne serai pas là. Fait que je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous allez savoir s'il y a une émission la semaine prochaine. C'est parce que si vous voyez une émission apparaître, c'est parce que j'y suis allé. Si vous voyez pas d'émission apparaître avec un petit message qui dit pas d'émission cette semaine, c'est parce que j'aurais pas pu y aller. Et que moi, je vais être encore quelque part sur la route. C'est ça. Toi, tu vas être à quelque part à Vancouver. Fait qu'on pourra pas enregistrer vendredi comme on fait habituellement, vendredi matin comme on fait habituellement. Donc, on verra ce que ça donne rendu là. Mais on va vous tenir au courant. Donc, Marc, cette semaine, on va avoir une émission peu écourtée. On va faire seulement 3 blocs. Donc, on vient d'ouvrir avec notre premier bloc. On va aller ensuite avec une pause. On va aller avec nos essais de la semaine. Moi, je vais entre autres vous parler de mon essai un peu écourté de la Chevrolet Bolt. Puis, on va terminer avec des nouvelles. Toi, tu vas nous parler de quoi, Marc? La Honda Civic coupée, mon cher. Oh, ben, belle petite voiture. Donc, on va faire une pause, puis on revient tout de suite avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. T'as essayé la toute nouvelle, on peut encore l'appeler toute nouvelle, Honda Civic Coupé, c'est comment? Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Écoute, en deux mots, c'est très, très, très, très, très, très, très, très, très bien. OK, OK. C'est plus que deux mots, mais t'as répété le même plusieurs fois, donc c'est deux mots. Exactement. Alors, c'était deux mots, pas plus. Non, c'est trois mots, parce que t'as dit « c'est très bien ». C'est trois mots. Excuse-moi. Trois mots. Mais c'est bon, continue. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé, Luc. Tu m'as coupé dans mon élan, mon homme, là. Bon, écoute, sérieusement, il faut dire que la Honda Civic a été complètement, complètement redessinée, ce qui est une nouvelle absolument incroyable parce que l'ancienne génération était ce qu'on appelle une erreur de parcours. Oui, c'était une erreur en partant, puis l'erreur commençait à se faire longue. Tu sais, tu regardes, puis les anciennes Civic ont mal vieilli, là. Ben, mais... écoute, 2012, ils ont sorti une Civic revampée. Ouais. Elle était tellement pas bonne que le président de Honda a demandé d'en refaire une autre pour l'année suivante. Ce qui est extrêmement rare, là. Ben, écoute, pour un an, durée de vie d'un an pour une voiture, j'ai jamais vu ça. En tout cas, bref, ceci étant dit, ils ont maintenant refait cette voiture-là. C'est la 10e génération et elle est vraiment, vraiment très bien. Sérieusement, beau châssis, belle structure. Oui, le look est un peu particulier. Un peu plus dramatique, un peu plus excessif, je te dirais. Oui, mais ça fait du bien. Oui, je ne sais pas. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Je trouve que on aime ou on n'aime pas les espèces de phares arrière là, en cire, en versé, puis tout ça. Comme je te dis, tu aimes ou tu n'aimes pas. Mm-hmm. Moi, j'aime bien. Je trouve ça très cool. Je trouve ça bien fait. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça moderne. On a refait l'intérieur aussi en offrant vraiment une meilleure qualité. Je ne suis pas un fan du système multimédia de Honda, je dois dire. Mm-hmm. Ce n'est pas le plus facile à gérer. C'est un système qui est capricieux. J'ai essayé, moi, de brancher Apple CarPlay, mais Android Auto. Puis, il n'a pas reconnu mon fil. Il a décidé que mon fil, ce n'était pas son ami. Alors, il charge il mon téléphone. Pas. C'est ça. C'est bon. La journée va être longue. Alors, il a chargé. sans difficulté, mais il n'a jamais voulu reconnaître mon fil. C'est ça quand Ah, t'achètes des fils cheap là, sur eBay, c'est ça qui arrive. on est vraiment dans une mauvaise passe ce matin, mon ami Luc. Hein? Ah C'est ouais, c'est pas grave, pas grave. T'en as pas pour longtemps. tu vas avoir une semaine pour t'ennuyer de moi, après ça va être C'est ça. correct. Alors, mais tout ça pour dire que, franchement, c'est un véhicule qui se comporte très bien au niveau de la conduite, cependant. Écoute, il est disponible en deux versions, il faut le préciser. Deux versions, avec deux motorisations, il faut le préciser. Il y a le moteur de base qui arrive sur la LX, qui est le moteur de 158 chevaux, 4 cylindres, 2 litres, qui est tout à fait correct, disponible avec une 6 vitesses manuelle. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va bien, c'est un véhicule qui se comporte très bien. Bien sûr, la nouveauté, c'est plus le moteur 1.5, là, 1.5 turbo de 174 chevaux, qui est disponible aussi avec une CVT ou une manuelle Serrapar. Un petit peu plus dispendieux, il faut aller dans les versions plus, je te dirais, plus habitées, plus accessoirisées pour l'avoir. C'est correct, comme je te dis, mais moi j'ai beaucoup aimé la LX coupée, traditionnelle, là. Avec la traction, c'est 158 chevaux. Honnêtement, c'est amplement suffisant. Tu joues beaucoup de la transmission, je te dirais. Tu joues beaucoup après le bâton, je te dirais. Mais c'est quand même. Garde ça familial. c'est quand même. Non, non. J'ai rien dit, moi, là. T'interprètes ça comme tu veux. Ouais, Alors, cool. mais vraiment, c'est dynamique, c'est le fun, c'est agréable. Et c'est surtout la solidité du châssis qui rend cette conduite-là vraiment agréable parce que tu peux faire la conduite un peu dynamique et t'es pas vraiment en problème jamais. Tu sens vraiment que la voiture, elle est solide et qu'elle fait le travail comme elle se doit. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment favorablement impressionné. J'aimais déjà la berline. Et maintenant, je me surprends à rêver à la Type R qui va arriver bientôt, ainsi qu'à la SI. Mais pour le moment, je t'avoue que la coupée fait tout à fait le travail. Évidemment, c'est une coupée. Ça veut dire que tu dois te battre un peu pour aller t'asseoir aux places arrière, puis que c'est un petit peu compliqué, mais ça fait partie, tu sais. Essentiellement, les gens qui s'achètent une Civic coupée vont se servir du siège arrière, surtout pour mettre des sacs d'épicerie, là. C'est bien rare qu'ils vont transporter du monde. Alors, c'est pas nécessairement, là, le plus gros défaut, le défaut le plus insurmontable. La valise est intéressante. Bref, honnêtement, je suis favorablement impressionné d'un véhicule qui est quand même, en plus, pas inabordable, hein. En version de base, là, une Civic coupée, c'est 19 690, là, en LX. Ouais, c'est pas C'est si cher que ça. C'est si tu commençais à avoir des bébelles que ça commence à être cher, là. ouais, ben là, si tu en vas dans la version Touring, là, tu parles de 28 000 $ ou à peu près. Ouais, c'est Euh, ça. tu sais, évidemment, là, on est un peu plus dans le sérieux, mais en général, c'est relativement abordable. C'est une voiture qui est intéressante, qui a une suspension qui fait tout à fait le travail. Un des gros bémols, par contre, et ça me tanne profondément chez Honda, c'est la grosseur de réservoir de carburant. Écoute, 47 litres, là, il me semble que je passe ma vie chez Shell. je trouve ça vraiment petit. Je trouve ça vraiment moins agréable. J'ai l'impression de devenir le meilleur ami du pompiste, là. Ouais. Mais normalement, en bas de 55 litres, c'est rare à cette heure. Mais chez Honda, on mise beaucoup là-dessus. Et je comprends que d'ajouter ça ajoute du poids, mais en même temps, ce serait le fun qu'on augmente un peu ça parce qu'on a l'impression, même si on nous dit que l'autonomie du réservoir est de 500 km ou à peu près, tu as l'impression que ça descend à la vitesse du son. Alors honnêtement, ça c'est le bémol, mais comme je te dis, c'est vraiment, vraiment infime comme problème, là. C'est pas une grosse difficulté. Toi, par contre, en termes de difficulté, j'avoue que tu as été particulier cette semaine. Tu avais une bonne voiture, mais disons que tu ne l'as pas eu longtemps. Ouais, c'est ça, j'ai eu la Chevrolet Bolt entre les mains. Je suis un peu vendu voiture électrique, vous savez, j'adore les voitures électriques. C'est la voiture que j'attendais le plus à essayer cette année. Malheureusement, mon essai a été écourté. Je vais garder les détails pour moi, là, c'est pas important. Mais je l'ai quand même eu de lundi à jeudi et je dois avouer que c'est pas une voiture parfaite, là, c'est quand même une très bonne voiture. Comme je disais, c'était la voiture que j'avais hâte d'essayer cette année. J'ai la joie de dire que je ne l'ai pas chargée de la semaine. J'ai pas, elle n'a jamais été connectée à ma borne à la maison. mon but, c'était vraiment, puis je t'ai envoyé la photo, Marc, par Facebook, mon but, c'était vraiment de la pousser à sa limite. Mon but original, c'était qu'on fasse Montréal-Québec ensemble pour tester les capacités de la Bolt, mais bon, on a tous d'autres occupations. Moi, j'ai une job à temps plein, à part faire des chroniques auto, donc je pouvais pas me libérer cette semaine pour faire le voyage Montréal-Québec. Toi aussi, tu avais d'autres choses, donc j'ai décidé, ben, je vais faire un Montréal-Québec local, tu sais, en me promenant puis en la chargeant pas. C'est un peu l'équivalent d'aller plus loin. Donc, j'ai décidé, je vais la charger vraiment, mais que ça soit nécessaire. Donc, je traînais mon extension dans l'auto pour la brancher au bureau si jamais il se passait quelque chose. Mais bon, mon dernier vraiment test, c'était de faire jeudi aller-retour. Je n'ai fait qu'un aller. J'ai pas fait de retour parce que j'ai été la portée à GM. Mais j'ai été capable, puis là, t'as fait la critique, Marc, les gens savent c'est quoi la voiture. Moi, ce que j'ai trouvé de côté négatif avant que je tombe dans l'autonomie, c'est juste les sièges sont vraiment durs. J'aurais aimé avoir des sièges un peu plus confortables à l'avant. C'est vraiment des sièges qui sont, à mon avis, trop rembourrés, là. C'est pas confortable. Tu t'assois, puis c'est pas un siège que tu cales dedans. C'est un bon maintien, mais des fois, tu sais, trop, c'est comme pas assez. Puis en arrière, ben, peut-être des enfants, c'est correct, mais un adulte, là, c'est un peu dur. Alors moi, en arrière, j'ai trouvé ça détestable, ouais, au plus haut point. Mais le coffre est quand même assez grand. Je trouvais ça intéressant. Si on descend les sièges arrière, on a quand même beaucoup d'espace cargo. Le système multimédia, c'est correct, même si j'aurais aimé que le bouton qui fait que tu rouvres le menu complet pour voir ton menu, pour rattacher ton téléphone au système par Bluetooth et tout ça, soit un peu plus évident. Là. Moi, 4 petits points de couleur, ça me dit rien là, au début. Là. C'est comme, t'as une maison, t'as une autre icône, puis t'as 4 petits points. Ah, mais je vais essayer de payer. Ah, regardons ça, je paye ces 4 petits points, puis là, ça me donne le menu que je voulais. Tu sais, ça aurait pu être le menu maison, ça, à place d'être d'autres choses, mais bon. Puis, j'aime beaucoup l'idée du rétroviseur caméra, mais faut vraiment que tu t'habitues, parce qu'au début, c'est pas ce que tu es habitué de voir. Hein? Vu qu'ils prennent la caméra de recul pour te faire ton rétroviseur arrière, ben, tu vois pas. Tu sais, d'habitude, t'es habitué de voir les sièges arrière, voir une partie du coffre, voir la vitre en arrière, puis après ça, tu vois l'auto qui est en arrière de toi. Fait que t'as comme une idée de perspective. Là, tu vois la perspective à partir de la caméra de recul. C'est autre chose, mais c'est super bien parce que t'as un angle tellement large que tu peux même voir les autos en arrière de toi qui sont dans les autres voies, c'est comme si t'es sur l'autoroute. Tu vois vraiment les trois voies de large. Fait que si une auto qui s'en vient pour te dépasser à gauche ou à droite, t'as voix directement de là. Fait que c'est vraiment super intéressant. Bon, côté autonomie, moi, ce qui était vraiment ce que je voulais voir, j'ai réussi à faire 332,1 km dans les journées que je l'ai eu. Pour une moyenne de consommation de 13,7 kW au 100 km. Moi, j'ai beaucoup de trafic le matin, un peu moins le soir. C'est vraiment typique d'une personne qui reste en banlieue puis qui va travailler à Montréal. C'est pas mal typique de ça. Quand j'ai retourné la voiture, il restait encore une possibilité de faire 112 km si je continue à conduire comme je conduisais présentement. Ça me donnait un maximum de 132 km, puis un minimum, si je conduisais un petit peu plus agressivement, de 91 km. Mais si je calcule le 112 km qui théoriquement me restait, plus le 332 km que j'avais fait, ça me donnait une possibilité de 444 km. Ça, c'est impressionnant, par exemple. Ça commence à être vraiment intéressant. Là. Oui, là, il faut avouer que c'est assez spectaculaire. Là. Tu sais? Parce que... Fait que, en tout cas, ça m'épate, là. Ouais, fait que la voiture est capable, dans des conditions idéales, de faire plus de 400 km. Je le prouve. Puis j'ai pas fait extrêmement attention. Il faisait pas super chaud. Fait que j'ai pas eu besoin de mettre le chauffage ou de la climatisation ou des choses comme ça. Mais tu sais, si je roulais à vitesse d'autoroute, ça m'est arrivé de pogner 109 km/h, 107 km/h. Puis oui, souvent, j'étais à 60, 50 km/h parce que t'es pris dans le trafic. Puis même des fois arrêté et tout ça. Mais tu sais, je l'ai conduit comme je conduis normalement une voiture. Fait que j'ai été vraiment impressionné pour l'autonomie que cette voiture-là est capable d'avoir. Tu sais, il y a quelques années, probablement que c'était pareil de ton côté. On a tout été... Quand GM a annoncé la Bolt, ben oui, c'est ça. T'sais, tu l'annonces, là, tu vas nous arriver proche de la date de sortie, vous allez nous dire « Ah, mais finalement, on va la repousser parce que, tu sais, on n'est pas encore prête à la lancer. » Mais non, ils l'ont lancée à la date prévue. Elle est disponible chez les concessionnaires C'est sûr, elle n'est pas en quantité industrielle, mais elle est disponible chez les concessionnaires. Vous pouvez aller vous en commander une, puis vous allez la recevoir. J'ai vu hier chez GM où je suis allé reporter l'auto, il y en avait une en attente en avant du concessionnaire. Est-ce qu'elle est à vendre? Est-ce qu'elle est déjà vendue? Peut-être juste en attente là, je sais pas, mais il y en a sur la route. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Fait qu'elle est disponible, puis c'est possible de faire plus que 350 km. 400 km avec cette voiture-là, dépendant des conditions. Fait que c'est réel, là. On n'est pas dans le futur, là. T'sais? Puis peut-être que j'aurais pu même me taper 500 km si j'avais plus de trafic. T'sais? Il reste 112, là, mais quand je suis parti le matin, j'étais pas à 112. Je pense qu'il me restait 140, puis j'ai fait 57 km, puis il me reste encore 112. Fait que t'sais, tu peux toujours peut-être pousser plus dépendant des conditions. La voiture te donne un estimé, mais ça peut être plus que ça. Donc, c'est sûr aussi c'est que toute la notion de trafic puis de récupération d'énergie puis tout ça, ça paraît aussi. Oui, c'est clair. Te donner une... c'est clair que ça donne de plus. Si tu roules sur l'autoroute à 100 km/h pendant 200 km, tu n'auras pas 400 km d'autonomie. Non. Tu vas peut-être tomber à 300, 325, tu n'auras jamais 400 km. Mais là, dans mes conditions à moi, pouvoir faire 444 km et peut-être même plus, je trouve ça incroyable. Ma livre personnelle, oui, c'est une vieille livre. Oui, elle n'a pas la grosse batterie. Oui, faut que je la charge à tous les jours. J'ai pas le choix. Même je la charge au bureau pour être certain de pas me faire achaler par l'auto en me disant « Ah, mais là, t'es sur le proche, tu devrais peut-être te trouver une borne bientôt. » Je la charge pour être sûr de partir presque à 100%. Mais j'arrive, je suis toujours à 50% de la batterie, peu importe où je m'en vais. T'sais. C'est sûr que la nouvelle Leaf est mieux, elle peut faire plus. Mais là, puis avec la Ioniq, j'avais réussi à faire 2 jours. Un aller-retour sans même penser la charger, mais le soir, fallait que je la charge pareil. J'avais 200 km. Quand tu as fait 110, ben, je n'ai pas assez quand même faire un autre aller-retour. Là, on parle vraiment de 3 jours complets d'aller-retour au travail, puis j'ai pas eu besoin de la charger parce que je suis revenu avec lundi, j'ai fait mardi, mercredi aller-retour, et j'ai fait un retour vers le travail jeudi jusqu'à temps que j'aie porté l'auto. Fait que j'ai fait vraiment 3 jours complets d'aller-retour au travail pour moi. Puis, j'ai même pas eu besoin de la charger. Là. Non, écoute, du point de vue de l'autonomie, là, je te l'ai dit, j'ai vraiment, vraiment rien à redire sur ce véhicule-là. C'est assez exceptionnel la façon dont ça se fait. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment spectaculaire. Ouais. Bon, je suis d'accord avec toi, tu sais, au niveau de tout ce qui était finition, c'est le gros problème parce que tu payes une voiture 40-quelques mille dollars, tu t'attends à quelque chose de spécial. Malheureusement, tu ne l'as pas nécessairement, mais bon, regarde, on va quand même penser qu'un jour ils vont y arriver. Là. Ouais, présentement, là, c'est plate à dire, mais la voiture parfaite, intérieur, design et tout ça, pour moi, c'est l'électrique, on parle, c'est la Ioniq. Pour l'autonomie, c'est la Bolt. Fait que la voiture parfaite présentement, ça serait la Hyundai Ioniq avec le système de motorisation de la Bolt. Excepté que je suis encore obligé de te dire que moi, j'ai pas digéré mon fil qui fonctionne pas sur ma prise. Je trouve ça inconcevable. Je discutais avec quelqu'un puis qui me disait « Écoute, c'est une modification qui coûte 32 cents à faire. » Ouais, t'sais, ouais. C'est une niaiserie. Et tous les autres véhicules électriques que j'ai essayés, j'insiste là, tous les autres véhicules, ça a fonctionné, sauf la Hyundai Ioniq. Alors ça, c'est ma grande déception. Oui, non, je te comprends. Je suis d'accord avec toi, ça n'aurait pas dû arriver, mais bon, c'est peut-être une des choses négatives. Peut-être que ça va être réglé dans les prochaines versions, là. T'sais, peut-être qu'ils vont apprendre de leur erreur, puis c'est leur première année aussi. Fait que peut-être que pour la prochaine version, ça va être correct. T'sais. On ne sait pas, mais oui. Mais en tout cas, pour la Bolt, c'est une bonne voiture. Le problème, ben là, c'est son prix. On parle de 44 745 pour la version de base. La version première, celle que j'avais avec le cuir, le volant chauffant et tout ça, on parle de 49 745. Donc, on parle d'une voiture de 50 000, une petite voiture de 50 000. Oui, il y a le rabais de 8 000 du gouvernement, mais il ne faut pas oublier que c'est le prix de la voiture plus les taxes moins le 8 000. Donc, c'est pas vraiment 8 000 de rabais qu'on vous donne parce que vous payez quand même les taxes sur le plein prix de la voiture. Mais si vous êtes sur le marché pour ça, puis si ça rentre dans vos besoins de déplacement, puis tu sais, faut calculer ce que vous allez sauver en essence et tout ça. Si pour vous ça vaut la peine, je vous dirais allez-y, aucun problème. C'est une voiture que vous allez probablement adorer, mais faut quand même calculer que c'est une voiture qui est assez dispendieuse à l'achat. Là. Wow, tu sais, moi je te dis que pour 50 000 $, on en fait des affaires, puis on en trouve des affaires, mais t'as raison, il y a toute l'économie de ce qui va avec et tout. Alors, l'environnement et tout ça, donc ouais. C'est ça. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. On a étiré un petit peu, mais vu qu'on a juste trois blocs cette semaine, ça va s'équivaloir. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec les nouvelles. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est notre dernier bloc de cette semaine. Qu'as-tu pour nous côté nouvelles? Ben, il y en a pas mal, évidemment. C'est toujours des semaines assez mouvementées. Évidemment, il y a moins de nouveautés du côté, je dirais, nouveau modèle. Parce que la saison des salons s'est passée, on est dans un autre mode, je te dirais. Donc, on est vraiment là plus du côté nouvelle administrative à la limite. Mm-hmm. La preuve, d'ailleurs, c'est que la première, ça concerne Ford, qui est dans une espèce de passe où ils veulent ramasser de l'argent, c'est-à-dire qu'ils ont promis qu'ils étaient pour épargner 3 milliards par année. Bon, alors, c'est pas rien. C'est la moitié de ton salaire quand même. Fait que ils ont décidé qu'il y aurait des coupures de postes. C'est évidemment pas des coupures traditionnelles, c'est-à-dire qu'on ne met pas personne dehors. On a décidé de ne pas renouveler certains postes et on fait des propositions de primes de séparation à des gens qui sont en poste depuis longtemps. Au Canada, ça va toucher 600 personnes. Okay. Ce qui est quand même important parce que c'est presque 10% des employés col blanc de Ford en Amérique du Nord là, qui vont être touchés par ça. Évidemment, au Canada, c'est pareil. On parle de 15 300 travailleurs dans le monde qui vont être touchés par la réduction de personnel. C'est énorme. Ça ne touche pas la production. Ça ne touche pas le développement des produits. C'est-à-dire qu'on conserve les 300 nouveaux emplois qu'on a annoncés à Ottawa pour la création d'un centre sur les voitures autonomes notamment. Mais ça va toucher des aspects comme le département des finances, le département légal, le département des ressources humaines, celui des relations avec le gouvernement, du marketing, des ventes et celui des communications. Ah, OK. Alors, on verra ce que ça va donner, comment ça va se traduire au Canada. Mais on sait que déjà, ça fait partie là, de la vision de Ford de couper pas mal dans le prix. OK. Donc, Ford qui était une des compagnies les plus présentes sur les médias sociaux puis les plus en avant, ça va peut-être reculer une petite affaire. Là. Ben, à mon avis, ils vont conserver cet aspect-là parce que pour eux, c'est extrêmement important. Moi, je pense que c'est plus les dirigeants qui sont là depuis 25 ou 30 ans qui risquent de se faire offrir des primes de séparation. Tu sais, je pense à quelqu'un qui travaille pour Ford, qu'on connaît bien, qui est là depuis plusieurs années et qui anticipait sa retraite d'ici un an ou deux. Mm-hmm. Mais ça se pourrait bien qu'elle reçoive une offre plus rapidement pour prendre une retraite sans pénalité, histoire de couper son poste plus rapidement. Là. OK, ouais, ça arrive dans toutes les grandes compagnies. Là. Okay. Mais là, on parle vraiment d'une opération de 600 postes, ce qui est quand même important. OK, c'est bon. Dans la série des autres nouvelles particulières, la Prius Prime, mm-hmm. que tu connais, la voiture verte mondiale de l'année. La Prius Prime, là, on le rappelle à ceux qui ne savent pas, c'est la version branchable de la Toyota Prius traditionnelle. Mm-hmm. Donc, c'est la méthode la plus facile de la décrire. Celle qu'on avait eue pour aller à Toronto. Mm-hmm. Et celle qui est mise en vente uniquement au Québec. OK. Pas ailleurs au pays, tout simplement parce qu'on est la seule province qui a une loi zéro émission et que Toyota a décidé de garder ces véhicules-là uniquement pour les zones où il y a des lois zéro émission. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on voit que la loi zéro émission donne quelque chose présentement. Là. C'est comme... La question, c'est donne-t-elle quelque chose ou crée-t-elle un marché artificiel? Ouais, parce que si on ne la vend pas ailleurs, ça n'a pas d'impact sur l'environnement, on s'entend. Ouais, ouais. Tu sais, ce qui est un peu imbécile et qui va un peu à l'encontre de la philosophie même. Mais, et on le sait, Toyota a confirmé que depuis longtemps, là, que eux autres, leur mission tournait davantage autour de l'hydrogène. Oui, on va faire de l'électrique parce que pour le moment, c'est ça, mais l'hydrogène, ça fait partie des plans. Donc, à mon avis, c'est une espèce de voiture que l'on vend qui est efficace, on le sait, on en a parlé, là, mm-hmm. ça va super bien. Mm-hmm. Mais c'est une voiture qu'on vend uniquement pour atteindre les objectifs de la loi en attendant d'avoir un produit qui va être plus grand public probablement au niveau de l'hydrogène. Bref, tout ça pour dire que la voiture Prius Prime arrive le 1er juin. Elle est en vente à partir de 35 204 $ au Québec. Ça inclut transport et préparation, mais ça n'inclut pas le rabais de 4 000 auquel elle est admissible de la part du gouvernement provincial. Ouais, c'est quand même intéressant parce que c'est une voiture qui va donner quoi, une trentaine de kilomètres tout électrique? 40 à peu près. Là. Donc, c'est quand même pas super. C'est une bonne manière de mettre le pied dans l'eau. t'sais, dans le domaine de la voiture électrique. C'est une bonne manière de commencer. Il y a zéro problème. Tu veux pas mettre le pied dans l'eau en voiture électrique. Ouais, ok. C'est correct. Mais t'sais, c'est un bon début. ça te montre un peu ce que c'est sans avoir l'anxiété de manquer d'électricité et te rendre à quelque part. Là. Donc, effectivement. Ouais. Non, moi, je pense que c'est un bon choix. Ouais. Dans la série de Toyota qui fait des folies, Toyota vient d'investir 500 000 $ ou à peu près dans un projet qui s'appelle le Cartivator. Okay. En fait, Cartivator, c'est une jeune entreprise qui existe depuis 2012. C'est un regroupement d'ingénieurs japonais, entre autres, qui ont décidé qu'ils étaient pour créer le SkyDrive. Le SkyDrive, c'est un véhicule volant long de 2,9 mètres, capable de transporter une seule personne. Okay. Et l'idée, en fait, c'est qu'on veut que ce soit le véhicule qui va servir pour aller allumer la flamme olympique lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. OK. Fait que c'est l'idée. Ça ressemble à un drone. Il y a 4 hélices. Ça permet de s'envoler à la verticale, du moins dans le dessin qu'on a fait. En 2018, on nous dit qu'on va tester un vrai prototype capable de s'envoler pour vrai. Et l'objectif, c'est d'avoir un véhicule qui roule, parce qu'il est sur 3 roues, donc qui roule jusqu'à une vitesse de 150 km/h, qui vole à 100 km/h et qui peut voler jusqu'à 10 mètres du sol. 10 mètres? Ouais. Okay. C'est pas très haut. Non. C'est pas mal rase-motte, mais oui. Ouais, mais c'est assez passé par-dessus les embouteillages. Ouais. L'idée, en fait, c'est qu'en haut de ça, tu es forcé d'être reconnu, d'avoir un brevet de pilote puis d'avoir toutes sortes d'affaires. Okay, Fait que j'ai l'impression que c'est strictement pour contourner. Question technique, hein? C'est comme... Ouais, okay, c'est ça. C'est bon, j'ai cette impression-là. Okay. Mon cher, est-ce que tu restes dans une des régions touchées par les pires routes du Québec? Je pense pas. Les routes sont pas si laides que ça ici. Parce que tu vois, tu te rappelles que le CA avait lancé un appel aux gens pour qu'ils développent, qu'ils votent pour la pire route du Québec. Mm-hmm. Et c'est finalement le chemin Kilmer à Granville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, qui a remporté le tristement célèbre titre, avec près de 10 000 signalements au total pour l'ensemble du programme. Il faut savoir que dans le chemin Kilmer, ce n'est pas la première fois qu'il est en nomination, mais il y a une résidente de là qui a lancé une véritable campagne de réseaux sociaux pour faire nommer sa route la pire. Pourquoi? Parce que le CAA s'engage à communiquer avec les municipalités et à faire un suivi au fil des ans, à savoir si la route est réparée ou pas. Et par rapport aux 10 de l'année passée, il y en a 9 qui a eu des réparations de fait. Okay. Alors, c'est quand même relativement efficace. Et donc, la madame souhaite que ça se continue sur le chemin Kilmer dans son coin. Bref, c'est donc le numéro 1. Le numéro 2, c'est à Mascouche, le chemin Newton. Le numéro 3, c'est le boulevard Gouin-Est à Montréal. Je te dirais que ça doit être encore pire parce qu'il a été inondé récemment. Oui, ça n'a pas dû aider. Non. Numéro 4, c'est à Sainte-Julie, la rue principale, et ça, pour l'avoir déjà pris, je peux te dire qu'elle reçoit mon vote sans difficulté. Et le numéro 5, c'est la montée du Bois-Franc à Saint-Adolphe-d'Howard, encore dans les Laurentides. Alors, comme on voit, les Laurentides sont un peu bien représentées dans les 5 premières positions. Par la suite, ben là, on en a une à Québec, on en a une à Sainte-Thècle, en Mauricie, on en a un à Carignan, en Montérégie, un à Lac-Beauport et un à Lamartre, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, un coin, j'avoue, qui est magnifique, mais où les routes ont parfois besoin d'un peu d'amour. J'imagine. Ouais. Alors, effectivement, donc, comme on dit, déjà les finalistes, les 10 municipalités ont été avisées par écrit. Et donc, ça devrait évoluer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On va espérer. De toute façon, on va savoir l'année prochaine. Oui, effectivement. On verra ce que c'est. On a parlé beaucoup des inondations rapidement parce que, bon, le temps s'écoule, là. Beaucoup de gens ont vu leur voiture être inondée et savent pas trop quoi faire avec ça. Je suis obligé de vous dire que malheureusement et tristement, il y a de très, très, très fortes chances que votre voiture soit nommée perte totale. Bon, oui. Quand l'eau rentre dans l'électricité puis l'électronique, c'est ces choses-là. Et je vous invite à aller voir ce que la Société d'assurance automobile a mis en ligne là-dessus parce qu'ils ont des critères très précis quant à ce qui sera déclaré perte totale ou pas. Et c'est intéressant parce qu'il y a des affaires, par exemple, quand l'eau atteint le bas du tableau de bord ou des choses comme ça, elle est perte totale. Même si vous la faites réparer, même si vous investissez des milliers de dollars dans la réparation, Ça peut être fortement endommagé au niveau des moisissures, au niveau de la corrosion. Ouais. Donc, non seulement la SAQ va refuser de vous l'immatriculer, mais votre assureur va refuser de la rendre assurable dans l'avenir. Donc, malheureusement, vous serez probablement considéré comme ayant une voiture perte totale. Enfin, une dernière petite nouvelle, juste parce que j'avais envie d'en parler. Ça fait longtemps qu'on parle d'un Jeep pick-up. Oui. Ben, le Jeep Pickup a été effectivement aperçu au Michigan, basé sur évidemment le Wrangler. On ne sait pas trop ce que ça va donner comme véritablement comme mécanique. On estime qu'il pourrait être bâti sur la base du Rubicon, donc être capable de se lancer dans le hors-route assez extrême, sans trop de difficultés. Bref, ça s'en vient. On nous dit qu'il va être lancé officiellement en 2018 comme modèle 2019. La prochaine vache à lait chez Jeep, parce que j'ai l'impression que ça va se vendre comme des petits pains chauds. Oui, puis on nous dit qu'en plus, ça va être capable de remorquer plus de 5 000 livres. Ouais. Alors là, on commence à parler de quelque chose qui est capable de travailler de façon intelligente aussi, là. Bon, les Américains tripent sur les pick-up, puis dans l'Ouest canadien aussi, puis en plus, si vraiment ça peut faire du hors-route assez intense sans problème, là. D'après C'est ça. moi, ça va tomber sur la liste d'épicerie de ben, ben du monde. Ouais, enfin. Puis un dernier détail en passant. Chrysler Jeep va probablement être poursuivi aux États-Unis. Il y a eu des dépôts de faits cette semaine dans le fameux scandale du diesel, là. Là, il semble qu'à leur tour, ils vont être poursuivis pour la même raison que Volkswagen, c'est-à-dire l'usage d'un logiciel qui modifie les résultats. Non, fait que c'était tout le monde le fait le don finalement. Exactement. Ça Renault s'est ressemble fait à ça. attraper en Europe. Il Oui, y a mais ils n'ont pas eu de plein. poursuite. Pas encore. Mais là, il y a vraiment une poursuite, semble-t-il, qui se prépare au cours des prochaines semaines. OK, donc ça, on va suivre ça avec grand intérêt. Donc, Marc, j'ai reçu un petit courriel et puis il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine finalement. Donc, petite pause pour tout le monde, puis on va se revoir pour nous, que tu nous parles de ton extrême voyage à travers le Canada au complet que tu vas faire la semaine prochaine. Donc, Marc, là-dessus, si les gens veulent te rejoindre et suivre ton merveilleux voyage, comment vont-ils cela? Ben écoute, la meilleure façon, c'est d'aller sur mon blog marcbouchard.ca. Je vous invite à le faire, bien sûr, et ma page Facebook que vous pouvez suivre aussi, mais que je vais d'ailleurs transformer en page professionnelle au cours des prochains jours, probablement, là. Mais ça, on s'en reparlera. Mais surtout sur marcbouchard.ca, où je vais essayer quotidiennement de faire des espèces de blogs, des rapports de ma journée et de mon tracé. On verra ce que ça va donner. Évidemment, comme tu l'as mentionné, on part à 4 h le matin, on revient à 9 h le soir. Ça se peut que certains textes soient plus courts que d'autres, Ouais, mais j'imagine, ouais. Un survol. c'est ça, c'est quand même le meilleur endroit pour le faire. Sinon, mais sur Twitter, Marc souligné Bouchard. Sur Instagram, Bouchard souligné Marc, parce que je vais aussi essayer de poster des photos sur Instagram. Mais tous ces liens-là sont disponibles à partir de ma page, de mon blog, le marcbouchard.ca. C'est bon. Pour moi, dans mon cas, si vous voulez me rejoindre, ben sur Twitter, c'est Ascalazormo. On a aussi les pages Facebook et Twitter de Ça roule Radio qui sont à Ça roule Radio. Il y a notre adresse courriel, Marc, qui est info@saroulradio.com. Ah, je savais que tu savais. Et puis, donc, vous pouvez nous écrire là si vous voulez. Puis, on est aussi diffusé sur deux stations de radio. On est diffusé sur Radio H2O et sur Sport Radio. .ca. Salut Daniel. Et puis, c'est pas mal ça. Et puis, si vous voulez aussi nous télécharger, bien, ça se fait sur iTunes et sur Google Play. Donc, là-dessus, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette émission de Ça roule Radio. Puis, on vous reparle, bien, pas la semaine prochaine, mais dans la semaine qui suit. À la prochaine. Bye.